Valentine Valentin ou Valentin Valentine. Un petit truc pour la Saint-Valentin, histoire d'honorer le défi du jour. Par Hélène Ourgan. Texte atramenta.net. Enregistré par Christiane Johan pour audiocité.net. Valentine Valentin ou Valentin Valentine. Des cœurs dans les vitrines. Les commerçants se frottent les mains. Elle attend Valentine, l'offrande de son Valentin. Mais dans les poches, presque rien. Que va-t-il acheter, pauvre Valentin ? Un lapin ? Non. Un sapin ? Non. Un parfum ? Non. Des patins ? Non. Valentine trépigne. Valentin sut. Ah, s'il avait su ! Oui, des roses sans épines. Valentine embrasse son Valentin. Valentin embrasse sa Valentine. Moralité, qui est content à la Saint-Valentin ? Les fleuristes, les vendeurs de petits riens. Fin de Valentine Valentin ou Valentin Valentine. Par Hélène Ourgan. Musique Till This Morning de Pascal Krieg. Du site Musique Libre-CC, sous licence, tout droit réservé. Partie texte de Hélène Ourgan, sous licence, partage libre.